Mais au moins, les gens pourront se rencontrer là, les gens pourront s'amuser, relaxer là. Ça fera comme quasiment un hôtel privé pour eux. Il y a des chambres peut-être que c'est. Ça, c'est que le début. Éventuellement, il y aura un autre endroit dans les îles aussi, dans le sud. Quand vous irez en vacances, au lieu d'aller au des îles, vous irez chez vous. Vous continuerez à parler de conscience. Dans l'eau. C'est pas les idées qui manquent.